Ça y est, je m'entends, tout va bien, la radio est prête, les disques sont mis dans l'ordinateur et on est paré pour 2 heures de très très très bonne musique. Quelque chose qui va vous surprendre parce que un best-of des Beatles, c'est bien. Le best-of bleu, le best-of rouge, dans l'autre ordre. Rouge d'abord, 1962-1966. Et bleu, 1967-1970. C'est bien pour découvrir seulement les Beatles. Là, ils ont eu la gentillesse de rajouter des titres. C'est mieux. Mais le travail qu'ils ont fait sur cet album-là, sur ces deux albums-là, est hallucinant. Je vais vous mettre la plupart des remixes 2023, surtout de l'album rouge. Peut-être qu'on se concentrera après sur l'album bleu, mais en 2 heures, on n'a même pas le temps de passer l'intégralité de ces albums-là. Ça va être génial. Je pense, moi, que je vais écouter toute l'émission au casque, parce que, franchement, il y a une grosse différence. Donc, on va passer la soirée avec John, Paul, Ringo et George entre 1962 et 2023. Parce qu'on écoutera également en fin d'émission le dernier Now and Then que j'ai appris à aimer. Première écoute, je disais oui, mais la version que j'avais entendue faite par un internaute, je la trouve presque mieux. Et puis, à force de l'entendre, j'adore cette version superbe, concocté par John, Paul, Ringo et George, et Gil Martin quand même, puisqu'il est aussi beaucoup là pour avoir travaillé un peu en production avec Paul McCartney. Bon, est-ce que vous êtes prêts? Vous avez éteint la télé, il n'y a rien d'intéressant à la télé. Vous êtes peut-être en train de manger, vous êtes peut-être étendu sur votre sofa, vous êtes peut-être assis, ou en voiture, tiens, pourquoi pas, puisque, petite nouvelle locale, la rocade bordelaise extérieure est bouchée au niveau de Blanquefort, parce qu'apparemment il y a un accident. Faites attention si vous passez dans le coin. Bref, la saga est prête, on commence avec Love Me Do, version 2023, remix 2023. Bonne soirée à tout le monde. True. Le producteur George Martin avait d'abord envisagé d'enregistrer les Beatles en concert au Cavern Club de Liverpool. Mais les contraintes techniques trop importantes firent que ce projet fut rapidement abandonné. Ils prirent donc le chemin du studio où on leur demanda d'enregistrer les titres prévus en conservant la structure d'un concert, et de préférence en une seule journée. C'est ce qu'ils firent le 11 février 1963, date à laquelle ils enregistrèrent en 15 heures les 10 morceaux qui, ajoutés aux 4 faces des 2 45 tours, formèrent l'album Please Please Me with Love Me Do and 12 Other Songs. Le choix de I Saw Her Standing There pour ouvrir l'album était excellent, car le morceau replaçait immédiatement le groupe dans son contexte de salle de bal surchauffée où dansaient des adolescentes transies d'adoration. Et ils décidèrent de conserver le décompte du départ. 1, 2, 3, 4, qui évoquait autant les concerts du Cavern Club ou du Start Club que l'idée première de George Martin. Paul composa les bases de cette chanson une nuit de 1961, alors qu'il rentrait chez lui en voiture. L'idée de parler d'une jeune fille de 17 ans lui plaisait. Faut dire qu'en 1961, il avait 19 ans, hein, c'est quand même assez raisonnable. Et il lui plaisait donc parce que le groupe avait des besoins de chansons avec lesquelles leur public, majoritairement féminin, pouvait facilement s'identifier. « Je ne pensais pas grand-chose, j'avais juste une mélodie et quelques vers en tête », raconta-t-il, 4 ans plus tard. À l'origine, les paroles étaient « She was just 17, never been a beauty queen ». Ça veut dire qu'elle avait juste 17 ans, elle n'avait jamais été une reine de beauté. Et la rime me plaisait, mais lorsque je l'ai joué à Lennon le lendemain, je me suis aperçu que c'était mauvais, et John aussi. Alors on s'est assis, on a essayé de trouver une autre rime, quelque chose de mieux. Il réfléchit un moment, et John finit par proposer « You know what I mean ». Tu vois ce que je veux dire, un vers qui pouvait passer sans attirer l'attention ou être compris comme un sous-entendu sexuel. C'est également une phrase typiquement liverpooldienne qui permettait d'éviter les américanismes forcés qui envahissaient le rock anglais du moment. Voilà ce qu'on pouvait dire, et vous avez entendu que le son est vachement bon. On dirait que l'album a été enregistré il y a 15 jours, même pas, moins. La saga des Fab Four qui retourne en arrière aujourd'hui, puisque l'album de la semaine, je crois que j'ai oublié de le dire, c'est le deux fois double album, le rouge et le bleu. 1962-1966 et 1967, on va dire 2023, puisqu'il est inclus en bonus Now and Then, qui est sorti cette année. Donc, c'est du bonheur, et rien que du bonheur, c'est un 100% Beatles ce soir. Et puisqu'on parle des Beatles, il vous faut savoir tout sur une personne qui est à Londres et qui sait tout, qui vous donne toutes les infos sur les Beatles. Cette personne, c'est Lovely Rita. Mais qui est Lovely Rita? Lovely Rita, c'est la responsable du Beatles Magazine à Londres. Et si vous voulez tout savoir sur les Beatles ou l'actualité de nos quatre amis de Liverpool, les tournées, les nouveaux CD, etc., faites un tour sur beatlesmagazine.com 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et c'est aussi sur Instagram, Twitter ou X si vous préférez. Et également Pinterest. Pensez-y, des millions de visiteurs chaque jour, les émissions connues sur les Beatles répertoriées partout dans le monde, c'est BeatlesMagazine.com. Merci Lovely Rita et vive les Beatles, les Beatles, les Beatles. La saga. Le troisième 45 tours des Beatles fut composé le 28 février 1963 dans l'autocar qui emmenait les membres de la tournée d'Hélène Shapiro de York à Shrewsbury. C'est pas du tout aussi. Bref, Hélène ne se souvient pas de les avoir vus écrire, mais elle se rappelle en revanche très bien de les avoir entendus lui jouer la chanson dans l'après-midi à leur arrivée à Shrewsbury, avant le concert prévu pour le soir même au Granada Cinema. Ils m'ont demandé si je voulais venir écouter deux de leurs nouvelles chansons, raconte-t-elle. Paul s'est assis au piano, John est resté debout à côté de moi, et ils ont chanté « From Me to You » et « Thank You Girl ». Puis ils m'ont dit qu'ils en avaient une qu'ils préféraient, mais qu'ils n'étaient pas certains. Ils m'ont demandé celle qui, à mon avis, ferait la meilleure face A. Je leur ai dit que j'avais bien aimé « From Me to You » et ils ont répondu « Super, c'est celle-là qu'on avait choisie ». Les Beatles jouèrent le lendemain à l'Odéon Cinéma de Southport, Lincolnshire, à quelques kilomètres de Liverpool, et eurent ainsi l'occasion d'interpréter leur nouveau morceau devant le père de Paul pour lui demander ce qu'il en pensait. Les paroles ne les inquiétaient pas, mais ils craignaient que la musique soit un peu trop complexe et que les fans n'accrochent pas. Le père de Paul réussit à les convaincre qu'il s'agissait d'une gentille petite chanson. Le titre « From me to you », c'est-à-dire « De toi à moi », en fait de moi à toi si on traduit réellement, je ne sais pas pourquoi c'est traduit comme ça sur mon bouquin, vient de « From you to us », de « vous à nous », qui était le titre de la rubrique courrier des lecteurs de l'hebdomadaire « The New Musical Express ». Paul et John lisaient dans le car l'édition du 22 février 63, dans laquelle on trouvait les dates de leur tournée et des articles sur Cliff Richard, Billy Fury et Elvis Presley. Ils se mirent à parler de l'une des lettres du courrier des lecteurs, si on en croit ce que déclara John en mai 1963, lorsqu'on interrogea sur l'origine de cette chanson. Il n'y a dans le courrier des lecteurs de ce numéro que deux lettres, et il est difficile de deviner celle qui a pu les inspirer. Le premier lecteur se plaint des rires hystériques que l'on entend sur les deux nouveaux morceaux de Limbo, une danse de l'époque, et l'autre se félicite du fait que Cliff Richard sembla prendre l'avantage sur Elvis Presley. Cette dernière lettre leur donna peut-être des ailes et en attisant leur attention. Il ne s'écoula que 5 jours entre, ça c'est dingue, entre la composition et l'enregistrement. Pourtant, John expliqua plus tard qu'il avait failli ne pas l'enregistrer. Nous pensions que le morceau était trop bluesy, mais lorsque nous avons écouté la version produite par George avec la partie d'harmonica, nous nous sommes aperçus que ça allait. En avril 1963, From Me to You devint le numéro 2 des Beatles dans les charts britanniques durant 7 semaines. Voilà ce qu'on pouvait dire au sujet de cette chanson-là. On revient sur le premier album, Please Please Me, des Beatles, avec cette dernière chanson dans laquelle John Lennon a donné toute sa voix. Il ne pouvait pas faire un centimètre de plus de vinyle une fois qu'il eut terminé cette chanson-là. C'est Twist and Shout sur RIG. Take it up, baby. une prochaine saga, peut-être que je ferai la comparaison entre ce que nous proposent actuellement les Beatles avec cette ressortie avec le 2023 mix et les premières versions qui avaient été enregistrées en 1973. Parce que là, je l'écoute, j'écoute toute l'émission au casque et je vous assure qu'on entend le petit écho qu'il y a en réverbération comme si ça avait été enregistré aujourd'hui. Alors que ces enregistrements ont 60 ans d'âge et le son est vachement clair, vachement pur. C'est évidemment de la stéréo. On a l'impression de sentir où sont les instruments devant nous, sur le côté, à droite, à gauche. Et je prends un pied d'enfer à écouter ça. Surtout que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait que des titres Beatles et que des titres connus. C'est ce que nous faisons ce soir dans cette 579e édition de la saga des Fab Four. Again. harmonies vocales, on les entend un peu plus clairement, un peu plus longuement qu'avant, je trouve. Le son est impressionnant. Ce soir, on prend notre pied. Ben oui, n'hésitons pas à le dire. Avec l'écoute de Best of Bleu et Best of Rouge, décidément, j'arriverai pas à le dire dans le bon sens. Best of Rouge d'abord, 62-66. Best of Bleu, 67. Il est marqué 70, parce qu'à l'origine, quand c'est sorti en 1973, c'était ça. Mais on peut le pousser jusqu'à 2023, puisque sur cet album bleu figure le nouveau CD des Beatles, Now and Then, que j'adore et qu'on écoutera en fin d'émission. On continue toujours dans le rouge, si on peut le dire, avec All My Loving, Can't Buy Me Love et d'autres à venir sur RIG. Close your eyes and I'll kiss you. Tomorrow I'll miss you. Remember I'll always be true. And then while I'm away, I'll write home every day. And I'll send all my loving to you. I'll pretend that I'm missing the lips I am missing, and hope that my dreams will come true. And then while I'm away, I'll write home every day, and I'll send all my loving to you. All my loving close your eyes and I'll kiss you. Tomorrow I'll miss you. Remember I'll always be true. And then while I'm away, I'll write home every day, and I'll send all my loving to you. All my loving I will send to you. Let's go. Back, back, back, back.

Jagger a dit qu'il avait été impressionné par les Beatles parce que eux composaient eux-mêmes leurs propres titres. Et c'est ce qui a un peu poussé Mick Jagger et Keith Richards à faire de même. C'est vrai que lorsque les Beatles, d'abord les Quarrymen, lorsque dans la première mouture, ont commencé à faire des petits concerts ici et là, ils se rendaient compte que tous les groupes locaux reprenaient quasiment les mêmes chansons. Alors, c'était un peu celui qui arrivait à les reprendre de la meilleure façon, d'accord. Et déjà, les Beatles, on va dire les Beatles, c'est plus simple, étaient assez forts à ce jeu-là. Mais Lennon et McCartney avaient compris que s'ils créaient eux-mêmes leurs chansons, ils avaient un plus. Et ils y arrivaient très très bien. Et donc, c'est de là qu'est venue la volonté d'être indépendant, de pas avoir un bloc d'auteurs comme, par exemple, pour Elvis, il y avait souvent Lieber et Stoller qui composaient des chansons, pas que eux. Pour Elvis, c'était ce qui se passait à l'époque, au début, fin des années 50, début des années 60. Il y avait ceux qui chantaient, ceux qui composaient, et ça n'était pas forcément les mêmes. Alors, ce ne sont pas les Beatles qui ont créé ça. Il y a eu d'autres personnes qui ont déjà composé et chanté, oui. Mais ceux qui les ont mis à la portée de tous, enfin sur le devant de la scène, c'est quand même les Beatles. Et la preuve, avec toutes ces bonnes chansons qu'on écoute, on est franchement tôt hein, dans les années 60 là. Et une chanson par exemple, reconnaissable à un seul accord, c'était en 1964. Quelle belle chanson et quelle belle année. Écoutez ce premier accord, je suis sûr que si je l'arrêtais là, vous me diriez, c'est cette chanson. D'accord. Everybody's green, 'cause I'm the one who wants. déjà 45 minutes que nous sommes uniquement dans l'album rouge, l'album 1962-1966. On le terminera avec Yesterday, puis on passera à l'album bleu. C'est encore dans quelques chansons, donc pour l'instant on continue. Je n'annonce même pas les titres parce qu'ils sont tous très très très connus. Si vous voulez, vous les dites-le moi. Ou alors allez voir sur Facebook, dans le groupe La Saga des Fab Four. Comme ça, vous saurez tout parce qu'il y a des forcenés, des dingues, des géniaux, des auditeurs fidèles qui commentent et qui mettent des pochettes et qui, comme ça, me tiennent compagnie chaque mercredi entre 20h et 22h. Et je vous remercie ceux qui sont présents sur Facebook et également tous ceux qui sont présents à l'écoute sur le 90.7 de la radio. C'est ceux qui sont dans le coin de Bordeaux. Et les autres sur www.rigfm.fr, puisque le mercredi, entre 20h et 22h, quelquefois un peu plus, genre 22h02, non mais ça c'est normal. Voilà. Donc, merci à vous d'être présents depuis déjà un bon paquet d'années sur RIG, parce que vous êtes mon moteur. Grâce à vous, je continue et je ne suis pas prêt d'arrêter pour le moment. And I Love Her, une des superbes chansons des Beatles. I give her all my love, that's all I do. And if you saw you. rythme effréné des Beatles entre 1962 et on va dire, waouh, oui, 1966, puisqu'à la fin 1966, ils arrêtent les tournées au mois d'août, pour être exact. Mais c'était des 45 tours qui n'étaient pas sur les albums. La plupart du temps, deux albums par an, plus, à un moment donné, des films, en 64, en 65, plus des concerts, là, très régulièrement. Alors, c'était pas des concerts longs de 2 heures, non, non, mais il fallait quand même se déplacer, il fallait quand même y aller, il fallait quand même, entre guillemets, subir la folie des fans qui hurlaient tellement fort qu'ils n'entendaient rien. C'est pour ça qu'ils ont fini par arrêter les concerts, entre autres, et parce que ça ne leur donnait plus de plaisir, puisqu'ils pouvaient faire n'importe quoi, les fans hurlaient, c'était tout. Ah là là là, là. Bon, et donc c'est un rythme complètement dingue. Et Days a Week, non, beaucoup plus que ça, 10 jours par semaine, même peut-être... Allez, une semaine de 7 jours, 14 jours par semaine. Moi, je dis, ils faisaient des journées de 48 heures, au moins. Donc, les traités de feignants, comme Lennon le fait quand il dit « I'm only sleeping, je ne fais que dormir » en 66, t'as peut-être pas exagéré quand même. Allez, un autre titre qui fait partie des choses qu'il découvre comme ça. Je crois que c'est sur celui-là que Lennon pose sa guitare à un moment donné et il y a un effet Larsen. Il trouve ça... original, tellement original qu'il le laisse sur le disque. C'est ça. Driving. 1965, les Beatles changent de registre et passent maître du monde. Pourquoi je dis ça? Parce que lorsque Paul McCartney a d'abord rêvé de la chanson, il lui a mis des mots un peu n'importe quoi, scrambled eggs, oh my baby, how I love your legs. Oui, parce que c'est juste histoire de se rappeler un peu de l'air, quelque chose comme ça. Il se demandait si c'était tellement facile, si il n'avait pas emprunté ça à quelqu'un. Alors il a demandé à plein de personnes, tout le monde disait non, on ne connaît pas. Et cette chanson-là, on a dit non, là il faut que ce soit toi qui l'enregistres avec un quatuor à cordes, c'est tout. Aucun autre Beatles. Quelque part, c'est le premier album solo, enfin, première chanson solo des Beatles, McCartney. Même si on a des extraits en concert dans lesquels on voit les Beatles entiers chanter Yesterday, puisqu'il s'agit de cette chanson-là, avec Ringo à la batterie, etc. Voici cette belle chanson, que je passe rarement parce que je la trouve trop connue. Mais qu'est-ce qu'elle est bien. Ce soir, on se fait plaisir. Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly, I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Such an easy game to play. I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Why she had to go, I don't know. She wouldn't say. I said something. Love was such an easy game to play. I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. On a tenu une heure et deux minutes avec seulement l'album rouge. Les Beatles de 1962 à 1966. Il est temps de faire la seconde heure avec l'album bleu. On commence tout de suite. C'est la saga. Les papas. Remix 2023 de I Am The Walrus. Écoutez ça à fond dans le casque, c'est impressionnant. Tuesday, man, you've been a naughty boy, you let your face grow long. Thank you.

Beatles nous ont encore eu sur RIG, puisqu'ils ont enregistré ces titres-là il y a plus de 50 ans, et ils paraissent tellement actuels. On dirait, écouter les sons que l'on entend, que ça a été enregistré il y a 8 jours, et encore à peine. Dans I'm the Walrus, la fin de I'm the Walrus, on entend des sons qu'on n'entendait pas, il y a même du français à la fin. Je n'avais jamais entendu ça. Et là, dans The Fool on the Hill, toujours en 1967, sur l'album Magical Mystery Tour, je trouve qu'on entend la flûte, on entend des sons de flûte. J'ai l'impression de ne pas avoir entendu ça jusqu'à présent. Elle est nette, elle est parfaite. Et même la batterie, le comme ça, j'essayais de mimer la grosse caisse de Ringo Starr, on l'entend vachement plus nettement qu'avant. Bref, c'est fabuleux. Allez, on reste en 1967 avec justement Magical Mystery Tour. Vous êtes sur RIG. On fait la fête à l'album rouge et l'album bleu. Je l'ai enfin dit dans le bon ordre, c'est cool. Un peu plus de 45 minutes, ce sera Eric et son émission Johnny de A à Z. Mais pour l'instant, si vous êtes en ville, autour de la rocade de Bordeaux, par exemple en FM sur 90.7, écoutez avec plaisir ces Beatles que je vous propose de 20h à 22h. C'est le best-of des albums rouges et bleus, qui sont déjà des best-of, mais le remix 2023. On entend des sons qu'on n'a jamais entendus. Il nous a encore bluffés. Vous pouvez également être aussi en train de manger à cette heure-là ou tranquillement sur votre sofa à écouter la saga des Fab Four numéro 579 et profitez-en. Profitez-en parce que maintenant, voici 4 extraits de Sgt Pepper Lonely Hearts Club Band remix. Et c'est génial. Là, c'est remix 2017, mais c'est bien quand même. Introduced to you the acting number all these years.

10.7, c'est la radio des Beatles. Strawberry feels forever. Strawberry feels. surnom derrière. Strawberry Fields Forever. John Lennon, vraiment avec une grosse période d'inspiration là, en 1967. The little children loving him behind his back, and the banker never wears a Mac in the pouring rain. Very strange. Penny Lane is in my ears and in my eyes. There beneath the blue suburban skies, I sit and dream while back in Penny Lane. Dans la dernière demi-heure de la saga des Fab Four numéro 579. Dans un peu moins d'une demi-heure, ce sera Eric et Johnny de A à Z, consacré à Johnny Hallyday, bien évidemment. Mais donc maintenant, on n'arrête plus la musique. Déjà, j'ai essayé de parler le moins souvent possible pour vous faire profiter au maximum de ces deux albums, l'album rouge et l'album blanc. Les trois quarts des titres sont un remix 2023. Certains ont été déjà réédités en 2017 ou 2015 ou quelque chose comme ça. Donc ça n'a pas été remixé en 2023. Mais ça vaut quand même largement l'achat et le coup d'oreille. Le message principal des Beatles par rapport à maintenant. All you need is love. about destruction. Don't you know that you can count me out? For people with minds that hate, all I can tell you is, brother, you have to wait. L'album blanc. Parfois,

pour ce retard totalement involontaire, Eric. Dans quelques instants, c'est lui pour Johnny de A à Z. Merci d'avoir écouté cette saga que j'ai énormément appréciée. Que des hits, que des superbes chansons. Et encore, il en manque. À très très bientôt sur RIG pour la suite des aventures de la saga. Ce sera la numéro 580 déjà. Qu'est-ce qu'on avance vite. Bonne journée, bonne semaine. Bonne écoute tout de suite d'Eric et Johnny de A à Z. Et à la semaine prochaine. Salut, bisous aux filles, poignement aux garçons. C'était Thierry Gallet pour la saga des Fab Four.